Tous ces petits mots, weg, ein, aus, durch, etc., sont utilisés comme préfixes, c'est-à-dire qu'ils s'accolent devant un verbe. Ces petits mots devant le verbe sont de deux types, séparables et non séparables. Il y a donc ceux qui peuvent se détacher du verbe et ceux qui y restent fixés en toutes circonstances. Prenons par exemple comprendre. Comprendre se dit verstehen. Verstehen. Nous avons là un préfixe ver, mais il est attaché. Il ne s'en va jamais. Comment dit-on je comprends? Ich verstehe. Ich verstehe. Oui. Au contraire, s'en aller, partir à pied, se dit weggehen. Weg est un petit mot qui peut se détacher du verbe. Alors que l'infinitif s'écrit en un seul mot, par exemple weggehen ou wegfahren, au présent, la syllabe weg se détache et on a d'un côté weg et de l'autre la forme que prend le verbe gehen ou fahren. Bien sûr, après tout verbe porte-manteau, vous utiliserez le verbe à l'infinitif. Ich werde wegfahren. Je partirai. Ich kann wegfahren. Je peux partir. Ich muss wegfahren. Je dois partir. Ich will wegfahren. Je veux partir. Können Sie wegfahren? Pouvez-vous partir? Mais si vous voulez dire je pars au présent, alors ça sera ich fahre weg. Comment diriez-vous nous partons? Wir fahren weg. Bien. Wir fahren weg. Et nous comprenons? Wir verstehen. Oui. Donc, au présent, on a wir fahren weg, où la particule weg de wegfahren se détache, mais wir verstehen, du verbe verstehen, dont la particule reste attachée. La question reste de distinguer les préfixes qui sont séparables de ceux qui ne le sont pas. Une façon très simple de répondre à cette question est d'écouter si le préfixe est accentué ou pas. S'il est accentué à l'oral, alors il se détachera du verbe. Par exemple, on dit weggehen et non pas weggehen, weggehen, weggehen. Donc la particule weg est séparable. Quand la particule est accentuée, alors elle est en quelque sorte assez forte pour se détacher de la phrase. Au contraire, quand elle n'est pas accentuée, elle est trop faible et reste accolée au verbe. Elle ne s'en éloigne pas. C'est pareil pour ausgehen, sortir. L'accent est sur aus et donc aus est séparable. Je sors, ich gehe aus. Comment diriez-vous à quelqu'un que vous voyez, vous sortez? Sie gehen aus. Bien. Sie gehen aus. Aus se détache car le verbe est bien ausgehen, avec l'accent mis à l'oral sur aus. À l'inverse, si le préfixe n'est pas accentué, alors il ne se détache pas. Comprendre se dit verstehen et non pas verstehen, mais verstehen. Prenons maintenant auf Wiedersehen. Wieder, qui s'écrit W-I-E-D-E-R, signifie encore, de nouveau. Vous pouvez l'utiliser seul, par exemple, dans Ich werde es wieder tun. Je vais le refaire, je le ferai de nouveau. Nie wieder. Nie, N-I-E, signifie jamais. Nie ou niemals. Nie wieder, c'est donc jamais plus, littéralement jamais de nouveau. Nie wieder. Ich werde es nie wieder tun. Je ne le ferai jamais plus. Ich werde es nie wieder tun. Nie wieder. Comment diriez-vous nous ne le ferons plus jamais? Wir werden es nie wieder tun. Wieder. Wieder. Wir werden es nie wieder tun. Holen H-O-L-E-N, signifie aller chercher. Mais vous pouvez aussi dire abholen. Ich werde es abholen. Je vais aller le chercher. Ich werde es holen ou abholen. À votre avis, dans abholen, le ab est séparable ou pas? Oui, il est séparable. Effectivement, ab est séparable parce qu'il est accentué. Abholen. Sachant cela, comment diriez-vous « nous le cherchons » ? Wir holen es ab. Wir holen es ab. Et je le cherche ? Ich hole es ab. Ich hole es ab. Le préfixe se détache. Mais à l'infinitif, le préfixe reste bien collé. Par exemple, « je viendrai vous chercher » au futur, ça donnera « Ich werde sie abholen. » Nous avons vu que « wieder » signifiait « à nouveau ». Accolé à un verbe, il marque la répétition. « Wiederholen » peut signifier « revenir chercher »,« chercher de nouveau ». Dans ce cas, c'est un verbe à particule séparable ou non ? Oui, la particule est séparable. Oui, mais il y a un autre mot en allemand qui n'est pas wiederholen, mais wiederholen, qui n'est pas séparable. Wiederholen veut dire répéter. Wiederholen, ramener, revenir chercher, chercher de nouveau. Mais wiederholen, c'est répéter. Ainsi, je répète, ça sera ich. Ich wiederhole. Attention à l'accent, si vous dites ich wiederhole, vous en faites un verbe à particule séparable. Ich wiederhole, si la particule n'est pas séparable, vous n'insistez pas dessus. D'accord. Ich wiederhole. Bien. Ich wiederhole. De fait, ich wiederhole n'existe pas, parce que dès que vous accentuez la particule ainsi, elle se détache et ça donne donc ich hole es wieder. Je reviens le chercher.